Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. À qui devons-nous cette chose aussi réelle qu'abstraite qu'est l'État moderne ? Dans quels esprits l'idée de sa possibilité et de sa nécessité a-t-elle germé avant qu'il ne devienne une réalité ? Sur le long chemin qui a conduit à asseoir la légitimité de la souveraineté des États, certains noms sont comme des bornes qui en marquent plus que d'autres les étapes déterminantes, ceux de Thomas Hobbes et John Locke notamment. En quoi la pensée des deux philosophes anglais a-t-elle durablement influencé et déterminé le cours de l'histoire bien longtemps après eux ? Et de quels contextes économiques et politiques ces deux fondateurs de la théorie politique sont-ils nés ? Pouvait-on rêver meilleur conteur que François Châtelet pour apporter à ces questions des réponses aussi simples qu'éclairantes et vivantes ? C'était en 1979, dans une série d'entretiens avec Émile Noël, à travers lesquels le philosophe se proposait de donner une forme radiophonique à une histoire de la raison. Tout d'abord diffusés en 1979, ces enregistrements firent l'objet d'un nouveau montage et d'une nouvelle diffusion en 20 épisodes, 7 ans après la disparition de François Châtelet en 1985. L'émission consacrée à Hobbes et Locke était le 10e numéro de cette série, réalisée en partenariat avec les éditions du Seuil, qui les publiait parallèlement la même année. François Châtelet, Une histoire de la raison, 10e d'une série en 20 épisodes, Thomas Hobbes et John Locke, une émission diffusée la première fois, le 14 août 1992, sur France Culture. Une histoire de la raison. Par François Châtelet. Une série d'Émile Noël. Aujourd'hui, Thomas Hobbes et John Locke. De l'ancestrale opposition du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, nous avons vu hier deux hommes extraire une idée qui allait devenir l'État. Ces deux hommes sont Machiavel et plus tard Jean Bodin. Et avec eux, une coupure s'institue, le monde spirituel avec Dieu et son représentant sur la terre, et puis un monde temporel sous la tutelle d'un souverain. En fait, ce peut être une puissance souveraine d'une seule personne, d'un groupe de personnes ou d'une institution tout entière. En tout cas, il est posé qu'il y a ici-bas un principe qui commande absolument, avez-vous conclu en tout cas hier François Châtelet ? J'aimerais rappeler ce qui était établi lors de la précédente rencontre. La découverte fondamentale de Galilée, ça a été de réunir le monde céleste et le monde terrestre, de montrer que la division faite par Aristote entre le supralunaire et le sublunaire n'a pas lieu d'être, puisque l'un et l'autre sont gouvernés par les mêmes lois. Eh bien, on pourrait dire qu'à l'inverse, Bodin, en 1576, montre qu'il y a deux mondes, qu'il y a le monde de l'âme et du salut, où Dieu est souverain, et puis qu'il y a le monde terrestre, la cité des hommes, pour parler comme saint Augustin, où il y a une souveraineté réelle. Le pas accompli est décisif et il va avoir de très grandes conséquences. Puissance souveraine, la notion d'État dans son acception moderne est désormais définie. Cependant, elle reste pour l'instant complètement abstraite. Nous restons au niveau des idées. Il faut des bouleversements historiques pour que ces idées soient approfondies, défendues, argumentées et pour qu'elles soient prises en charge par des hommes qui vont en faire des réalités pratiques. Or, ces bouleversements se produisent. J'ai déjà évoqué la réforme et les guerres dites de religion qui s'en suivent, qui sont des guerres d'une très grande cruauté et qui apportent beaucoup de malheur. Mais il y a aussi d'autres événements qui se produisent et nous voici déjà à l'orée du XVIIe siècle. Parmi ces événements, il en est un qui est particulièrement important. Celui qui a lieu en Angleterre. À son origine, des actions contingentes d'un certain nombre d'hommes qui interviennent dans la structure de leur société et qui la bouleversent. Ces hommes, rétrospectivement, on va dire ce sont des bourgeois, ce sont des capitalistes, mais ils ne l'étaient pas à leur origine. C'était simplement des gens entreprenants qui ont accompli un certain nombre d'actions en profitant de circonstances favorables et qui ont provoqué un bouleversement complet de ce que nous avons coutume dans notre vocabulaire moderne d'appeler la production. Les rapports de production vont se trouver complètement transformés par leur action. Des manufactures vont surgir. Dans ces manufactures, des paysans qui ont été chassés de leurs terres par des transformations de la propriété vont entrer et vont constituer le noyau de ce qui sera plus tard le prolétariat. Là, nous n'entrerons évidemment pas dans la discussion de savoir quelle a été l'origine de ce phénomène. Il y a de multiples hypothèses qui s'affrontent. Je ne choisirai pas entre ces diverses hypothèses, car je suis pour ma part convaincu qu'il y a aussi bien des facteurs proprement matériels que des facteurs spirituels qui ont joué un grand rôle dans cet événement. Toujours est-il qu'un nouvel ordre du marché s'institue et que commence à régner ce que l'historien anglais Macpherson appelle l'individualisme possessif. Cette transformation économique ne manque pas d'avoir des effets politiques, car la monarchie anglaise, avec son administration archaïque, avec ses coutumes trop anciennes, ne peut pas répondre à cette nouvelle société qui est en train de se constituer. Des remous très violents se produisent jusqu'au moment où le peuple de Londres s'institue en juge, accomplit un acte extraordinaire. Un roi de droit divin, et qui a été sacré dans la grande cathédrale, à la tête coupée. Ah, ce n'est pas un régicide pur et simple. Ce n'est pas un coup de poignard au détour d'une porte ou un peu de poison dans un verre, comme cela se produisait en Italie. C'est un jugement qui est suivi d'un effet qui provoque un bouleversement complet d'abord en Angleterre et ensuite dans toute l'Europe. 1649, d'une certaine manière, c'est une date qui marque le début de quelque chose. La situation en Angleterre s'aggrave très rapidement, Cromwell prend le pouvoir, mais nous ne sommes pas là pour faire de l'histoire. Essayons de comprendre les réactions idéales à cette situation. La disparition de Charles Ier, son exécution plutôt, pose directement la question du pouvoir légitime. Oui, bon, attendez, reprenons un peu le fil. Machiavel a montré qu'il fallait une unité politique pour que la société existe et pour qu'elle se maintienne comme telle. Bodin y a ajouté que cela qui peut assurer l'unité d'une société est nécessairement puissance souveraine, c'est-à-dire souveraine et reconnue par consensus. Alors, une nouvelle question se pose et se greffe sur ces deux principes généraux, celle de la souveraineté légitime. C'est, je suppose, ce qui appelle l'élaboration d'une théorie politique. On voit en quel sens. J'ai dit au début que Machiavel et Jean Bodin étaient des initiateurs. On va voir maintenant comment Thomas Hobbes et John Locke, deux penseurs anglais, vont être les fondateurs de la théorie politique. Thomas Hobbes est un médecin. C'est même le médecin de la cour d'Angleterre. C'est un penseur matérialiste. Matérialiste autant qu'on pouvait l'être à l'époque. Je veux dire un matérialiste qui ne s'affirme pas athée, mais qui probablement devait l'être. En tout cas, il prend des leçons de politique dans la lecture des Grecs. Et il se trouve, c'est là une notation importante, que c'est le premier traducteur en langue anglaise de l'œuvre de l'historien grec Thucydide, qui passe pour être l'inventeur, en quelque sorte, de l'histoire rationaliste. Thomas Hobbes est un philosophe dans la lignée classique des philosophes aristotéliciens. Il étudie l'être tel qu'il se présente selon ses divers niveaux. Mais il lui arrive une aventure. Il est séduit et convaincu par la nouvelle physique, celle de Copernic et de Galilée. Dès lors, il s'efforce de construire une nouvelle théorie de l'être qui corresponde à la nouvelle mécanique. Il s'y emploie avec un certain brio et à l'époque où Descartes élabore son système, Hobbes élabore un autre système. Je répète, beaucoup plus matérialiste que ne l'est celui de Descartes. D'ailleurs, il y a une correspondance entre les deux penseurs qui, manifestement, ne se comprennent absolument pas. Après avoir élaboré une théorie du mouvement, Hobbes construit une théorie de l'homme. Cette théorie est profondément original. L'homme est pour lui corps, matérialité, caractérisé par la puissance. Et lorsqu'il écrit en latin, c'est précisément le mot potestas qu'il emploie. L'homme est un être qui peut. Nous dirions maintenant, et ce n'est pas du tout d'ailleurs déformé la pensée de Thomas Hobbes, que l'homme, selon lui, est désir. Et que rien ne lui est interdit de ce qu'il désire. il n'a d'autre limite à sa liberté, nous dit Hobbes, que la capacité qu'il a de désirer. Lorsque, face aux problèmes politiques qui se posent, Hobbes s'interroge sur la question de la souveraineté légitime, il part tout naturellement de l'homme qui constitue la société. Et il va s'efforcer, en penseur qui reste hanté par le schéma aristotélicien, il a refusé tout le contenu de l'aristotélisme, mais il a gardé le schéma d'Aristote, qui consiste à déduire la socialité de l'être de l'homme. Il va partir de cette idée que l'homme est désir, que l'homme est puissance. Voici donc Hobbes au travail. Partant de se présupposer que l'homme peut tout, il décrit ce qu'est l'homme à l'état de nature, avant qu'il entre en société, ou, si l'on veut éviter cette fiction historique d'un homme qui existerait en dehors de la société, ce qu'est l'homme lorsqu'on lui retire tous les attributs qui lui sont conférés par la société. Voilà l'homme à l'état de nature. À l'état de nature, l'homme est totalement libre de faire tout ce qu'il est capable de faire. Or, Hobbes ne peut manquer de noter ici que, du coup, l'état de nature est un état contradictoire, car si l'homme désire et veut réaliser ses désirs tout normalement, il veut aussi vivre et jouir et être heureux. Or, il y a contradiction entre ces deux données, car en s'efforçant de réaliser son désir, l'homme entre en lutte avec l'autre homme qui désire la même chose que lui. Dès lors, la vie dans l'état de nature, c'est une constante vie dans l'insécurité. Aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tienne tous en respect, ils sont dans cette condition qui se nomme guerre, et cette guerre est guerre de chacun contre chacun. Dans un tel état, il n'y a pas de place pour une activité industrieuse, parce que le fruit n'en est pas assuré. Et conséquemment, il ne s'y trouve ni agriculture, ni navigation, ni usage des richesses qui peuvent être importées par la mer, pas de construction commode, pas d'appareil capable de mouvoir et d'enlever les choses qui, pour ce faire, exigent beaucoup de force, pas de connaissance de la face de la terre, pas de computation du temps, pas d'art, pas de lettres, pas de société, et, ce qui est le pire de tout, la crainte et le risque continuel d'une mort violente. La vie de l'homme est alors solitaire, besogneuse, pénible, quasi animale et brève. Bon, à l'état de nature, donc, c'est la guerre de tous contre tous. L'homme est un loup pour l'homme. Cette situation ne saurait être vécue durablement, évidemment. Cette situation ne saurait être vécue durablement. L'homme, quelque désireux qu'il soit de réaliser son désir, ne peut pas vivre dans la crainte de la mort, ne peut pas vivre dans la peur et le constant combat. Et c'est précisément de cette contradiction de l'état de nature que va surgir l'état de société. Oui, mais comment l'homme va-t-il se sortir de cette situation ? À situation désespérante, mesure radicale peut-être ? À situation désespérante, mesure radicale. Eh bien, en prenant conscience du fait qu'il doit, que chaque homme doit se dessaisir de sa puissance au profit d'une puissance souveraine, d'un être artificiel qu'il aura créé, parce que c'est un être artificiel, un dieu mortel, un dieu sur cette terre. Hobbes va nommer cet être le Léviathan, métaphore biblique. Il va se dessaisir complètement de ce qui est son attribut principal pour s'en remettre à la décision de cette puissance souveraine qu'il a créée. Dans le contrat tel que Hobbes le conçoit, les parties contractantes, c'est-à-dire les membres de la collectivité, renoncent totalement à leur désir en laissant le souverain statuer sur ce désir. On a souvent taxé Thomas Hobbes d'être un théoricien de l'absolutisme étatique. Ce n'est pas faux d'une certaine manière, mais il convient ici de faire deux réserves. La première, c'est que Hobbes est tout à fait évasif concernant la nature du souverain. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que le souverain peut être non pas un homme empirique, un homme de chair et d'os, mais une institution, doit être répété, doit être repris ici. Le souverain, c'est peut-être, par exemple, tous les citoyens. C'est là ce que pensera Rousseau, de la même manière, dans le contrat social. Rousseau aussi déclarera que tous les hommes se dessaisissent de leur liberté, mais qu'ils remettent cette liberté à eux-mêmes, en quelque sorte, en tant qu'ils se constituent comme corps social. On peut envisager que Hobbes concevait les choses de cette manière. Qu'importe d'ailleurs, il ne s'agit pas de savoir quelle était la pensée politique personnelle de Hobbes, au fond. Elle n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous, sinon anecdotique. Ce qui est important, c'est de comprendre la réalisation, l'effectuation de cela qui avait été perçu abstraitement par Marcille de Padoue, qui avait été pensé déjà d'une manière beaucoup plus précise par Jean Bodin, à savoir que s'il y a de l'État, il ne peut être que souverain. Souverain, bien sûr, vers l'extérieur, souverain contre les ennemis, mais aussi souverain par rapport à ceux qui vont être ses citoyens. La seconde réserve que l'on peut faire, et après tout, quand on considère les États modernes, ce n'est pas une mince réserve, c'est qu'il y a une chose, en tout cas, que le souverain ne peut pas exiger de ses administrés. Il y a en quelque sorte une espèce de droit naturel qui subsiste, même chez Hobbes. Il nous indique en effet que le souverain ne peut pas exiger du citoyen qu'il se veuille du mal à lui-même. Je pense en effet, hélas, qu'il y a trop d'exemples qui montrent nos états actuels en train d'exiger de ceux qui en dépendent qu'ils se fassent du mal à eux-mêmes, qu'ils se déclarent coupables, par exemple, comme dans les procès de Moscou. Ça, c'est une chose que Hobbes n'aurait jamais admise. Car cela va contre le désir, cela va contre l'ordre naturel. C'est une première étape, c'est une étape d'une extrême importance pour comprendre ce qu'est devenue la souveraineté par la suite. Le second fondateur intervient une quarantaine d'années après. Il est plus souriant, que le très sévère Thomas Hobbes. C'est John Locke. John Locke est un philosophe qui a été très impressionné par les découvertes cartésiennes, mais qui n'est pas d'accord avec Descartes sur le fait qu'il y ait des idées innées. C'est ce qu'on appelle un philosophe empiriste. Il pense, contrairement à Descartes, que nos connaissances viennent de l'expérience. Mais ce n'est pas ce qui est important dans sa pensée. Ce qui compte, c'est un ouvrage qu'il publie en 1690, après la seconde révolution anglaise, celle qui bientôt va mettre au pouvoir Guillaume d'Orange et, en 1714, la dynastie des Hanovres. John Locke raisonne comme Thomas Hobbes, comme a raisonné Spinoza, entre les deux, auxquels je ne peux que faire malheureusement allusion. Il s'interroge aussi sur ce qu'est l'homme à l'état de nature. Et pour lui, contrairement à Thomas Hobbes, l'état de nature est celui des droits naturels. L'homme, dès le moment où il existe, possède des droits. Le droit de subsister, le droit d'exprimer son opinion, c'est-à-dire, au fond, le droit de parler comme il lui plaît à ses semblables pour tenter de les convaincre. Ce sont, selon John Locke, des droits imprescriptibles. En ce sens, il nous dit que les hommes naissent naturellement libres et égaux. Certes, il y a des différences naturelles, mais ils sont égaux en tant qu'ils ont tous le même droit de survivre et d'essayer de faire triompher leurs opinions lors des actions collectives qui peuvent être décidées. Alors, d'où va venir l'État ? Eh bien, il résulte du fait que le droit de survivre implique un autre droit, celui de travailler un lopin de terre, celui de disposer à son gré du gibier que l'on aura abattu, celui de construire et de protéger la maison que l'on aura construite pour se protéger de la rigueur du temps. Ce qui est fort plaisant dans la pensée de Locke, c'est ce côté très naïf, très simple de sa démonstration. Quand Dieu a donné le monde en commun à toute l'humanité, il a enjoint à l'homme de travailler. D'ailleurs, l'homme s'y voyait contraint par la pénurie de sa condition. Dieu et la raison lui commandaient de venir à bout de la terre, c'est-à-dire de l'améliorer dans l'intérêt de la vie, et, ce faisant, d'y investir quelque chose qui était à lui, son travail. Quiconque, pour obéir à ce commandement divin, se rendait maître d'une parcelle de terre, la cultivait et l'ensemençait, lui adjoignait quelque chose qui était sa propriété, que nul ne pouvait revendiquer ni lui prendre sans injustice. Or, constate Locke, l'homme qui a le droit de propriété a aussi le droit de protéger cette propriété. Il a le droit de protéger le travail qu'il aura fait sur elle, par exemple. Et il est aisé de constater, ajoute-t-il, que bien souvent, ceux qui veulent s'emparer de la propriété, les voleurs, sont plus forts et plus rusés que les propriétaires. Alors, il faut bien, dit-il, que les propriétaires s'unissent pour défendre la terre qu'ils auront travaillée, pour défendre leurs acquis. C'est donc un contrat tout à fait différent qui est à l'origine de l'État. Dans celui de Hobbes, les parties contractantes se dessaisissaient complètement de leur liberté. Cette fois, le contrat est passé entre les parties contractantes, les citoyens et le souverain. Le souverain, ce n'est rien d'autre qu'une instance supérieure qui a pour mission de défendre la propriété, de châtier les voleurs et de s'occuper des affaires communes à tous les propriétaires. Mais alors l'État, dans ce cas, ce n'est rien d'autre qu'une association de propriétaires. C'est une nouveauté considérable pour l'époque, car dans la perspective de John Locke, la propriété ne va pas sans le travail. C'est seulement celui qui travaille sa terre qui a le droit d'être propriétaire. Il est remarquable que les phrases les plus importantes du deuxième traité du gouvernement civil sont présentes non seulement dans les deux déclarations des droits de l'homme, celle de 1787, l'américaine, et celle de 1789, la française, et que l'on en retrouve aussi beaucoup dans les diverses constitutions qui vont être élaborées dans la partie ascendante de la Révolution française. John Locke est sans aucun doute le père de l'État libéral tel qu'il a été défini à la fin du XVIIIe siècle. Ces idées vont pénétrer lentement, d'abord en France, puis dans l'Europe occidentale, et vont être la source des organisations pratiques qui vont constituer l'État-nation dans son statut moderne. Voilà donc comment s'est constitué, sous les auspices de la pensée philosophique, sous les auspices de la rationalité philosophique, la conception du pouvoir légitime. Il faut noter ici et insister sur le fait que ces idées vont avoir des effets, de même que la fameuse déclaration cartésienne qui, lorsqu'elle est faite dans le premier tiers du XVIIe siècle, rendre l'homme maître et possesseur de la nature, est aujourd'hui, nous pouvons dire d'une certaine manière, malheureusement, une réalité. De la même manière, nous pouvons constater que ces idées qui sont nées au fond du Moyen-Âge se sont progressivement, au fil des débats, au fil des luttes politiques, se sont affinées, se sont affirmées et certaines d'entre elles, les plus adaptées, les plus percutantes, ont conquis les hommes au point que ceux-ci s'en sont servis pour s'organiser. Les hommes s'en sont servis pour s'organiser. Tous les hommes, ça peut-être c'est la question qu'il faudra résoudre en réfléchissant sur l'œuvre de Kant, sur l'œuvre de Hegel, sur l'œuvre de Marx. Eh bien, c'est ce que nous ferons, en tout cas pour Kant et pour Hegel, dès notre prochaine émission, où, en approchant du rivage, eh bien, nous verrons briller les lumières des lumières. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette série d'entretiens, Une histoire de la raison, dans un livre publié aux éditions du Seuil, dans la collection Point Science. C'était Thomas Hobbes et John Locke, le 10e de la série de 20 épisodes François Châtelet, Une histoire de la raison, proposé par Émile Noël. Première diffusion le 14 août 1992 sur France Culture. À suivre. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.